Vous écoutez France Culture. Les lundis de l'histoire présentés cet après-midi par Roger Chartier. Il y a 10 ans, l'un de mes lundis de l'histoire fut consacré à un livre qui révolutionnait l'histoire des sciences. Son titre, Léviathan et la pompe à air, Hobbes et Boyle entre science et politique. Ses auteurs, Stephen Chapin et Simon Schaffer. Publié en traduction par La Découverte dans une collection dirigée par Bruno Latour, l'ouvrage avait pour objet la controverse qui, au XVIIe siècle, opposa Hobbes, le défenseur farouche de la théorie absolutiste, et Boyle, un praticien ardent de la philosophie naturelle expérimentale. Stephen Chapin et Simon Schaffer analysaient magnifiquement dans ce livre les différences qui séparaient tout à la fois deux modes de connaissance de la nature, par le raisonnement logique ou par l'expérimentation, deux conceptions de la communauté savante, soumises à l'autorité de l'évidence philosophique, dans le cas de Hobbes, ou construites par l'accord sur des critères de validation des expériences, dans le cas de Boyle, et finalement, deux modèles politiques, celui où l'évidence de l'autorité justifie la souveraineté absolue, et celui fondé sur l'exercice du jugement et la civile négociation. Après l'écriture de ce livre, qui avait été publié en anglais en 1985, Simon Schaffer a poursuivi, avec une énergie qui semble inépuisable, la réalisation d'un programme de recherche qui opère un triple déplacement. Des théories scientifiques aux pratiques des savants, des contenus cognitifs de la science à ses dimensions performatives, de l'étude des contextes historiques à celle des conventions propres aux différentes communautés de savoir. Et c'est pour moi un très grand plaisir de l'accueillir aujourd'hui dans cette émission, à l'occasion de la publication par les éditions du Seuil d'un livre qui rassemble en 8 chapitres certaines de ses études les plus importantes écrites après la publication du livre de 85. Ce titre, des éditions du Seuil, a pour titre « La fabrique des sciences modernes, 17e-19e siècle » et il a été traduit par Frédéric Aitutuati, Loïc Marcoux et Stéphane Van Damme. Simon Schaffer, je le rappelle, est professeur à l'université de Cambridge et sa bibliographie est immense. Il est aussi très attaché à faire partager, comme nous essayons de le faire dans cette émission, à faire partager par un public plus vaste que celui de ses pairs les nouvelles interprétations que les historiens des sciences ont proposées en ces 20 dernières années. De là, les séries ou les programmes qu'il a réalisés pour la BBC et que vous pouvez acquérir dans leur forme vidéo. Je n'en citerai que deux. En 2004, Light Fantastic, une série de 4 émissions sur l'histoire de l'optique, et en 2013, Mechanical Marvels, les merveilles mécaniques consacrées à l'histoire des automates. Cet après-midi, nous présenterons son livre, La fabrique des sciences modernes, en compagnie de 2 historiens que vous connaissez, car ils participèrent il y a peu de temps à une précédente émission, Antonella Romano, historienne de la science jésuite et coloniale et directrice du Centre d'histoire des sciences, le Centre Alexandre Coiré, partagé par l'École des hautes études en sciences sociales et le CNRS, et Stéphane Van Damme, professeur à l'Institut européen de Florence, dont nous avons présenté dans cette émission que j'évoque le dernier livre, « À toute voile vers la vérité », qui est une jolie paraphrase d'une belle formule de Oldenburg, le secrétaire de la Royal Society. Le sous-titre du livre est plus explicite, une autre histoire de la philosophie au temps des Lumières. Et Stéphane Van Damme, je l'ai dit, est l'un des 3 traducteurs du livre de Simon Schaffer. Alors, Simon Schaffer, bienvenue ici. Et peut-être nous pouvons commencer, puisque vous insistez souvent sur les rapports entre l'histoire du savoir et l'histoire des métiers, dans une image ou une métaphore textile, sur la trame qui est le support des 8 essais qui sont rassemblés dans ce livre. Et il m'a semblé que cette trame était pour vous donnée par une opposition assez terme à terme, vis-à-vis de manière classique, de faire l'histoire des sciences vis-à-vis d'héritages que nous avons incorporés, et peut-être vis-à-vis aussi de ce que attendent d'une histoire des sciences ces publics plus larges que j'évoquais. Alors, sur quel point vous pensez qu'il faut établir une rupture dans la pratique intellectuelle lorsqu'on pense à cet héritage, cette tradition ou ces présupposés? À mon avis, il y a une idée assez répandue, si je n'exagère trop, que la science est dominée par un récit, par un processus de progrès absolument continu et qui produit n'importe où le consensus, comme si le but des historiens des sciences, c'est-à-dire les gens qui s'occupent avec le passé, les transformations, et il faut insister sur le point, le futur, les futurs possibles des sciences, que le but des historiens des sciences était, pour ainsi dire, une espèce de justification, où on prend comme évidence soit la continuité du développement chez les sciences, l'unanimité chez les scientifiques. Et ça veut dire, à mon avis, que les différends, les disputes, les batailles qui, bien entendu, caractérisent le passé des sciences, sont assez embarrassants. Et que pour presque tous les récits de l'histoire des sciences, l'assomption du consensus est prise comme évident. Et les conflits et les batailles et les différends sont pris comme les choses à expliquer, bien entendu, mais aussi, si je ne me trompe pas, exclure de l'histoire périmée des sciences. Alors c'est ce qui explique que dans le livre que je rappelais, que le Léviathan et la pompe à air, mais aussi dans de très nombreux des articles rassemblés ici, vous portez une attention sur les différences, les controverses. Mmh. Et ce thème est permanent. Qu'est-ce qui fait que la controverse puisse devenir un objet assez privilégié dans cette manière de briser le continuo du progrès inexorable? Il y a un lien absolument fondamental pour moi et pour mes collègues entre les approches historiographiques de l'histoire des sciences et les autres approches des historiens de la première modernité, comme chez Carlo Ginzburg, par exemple, où la notion que l'exception normale est très parlante, qu'il faut étudier de très très proche les controverses, les exceptions, les moments précisément, où les enjeux, les principes, les conventions qui sont jusque-là invisibles, parce qu'ils sont si puissants, tout d'un coup, ils se sortent dans la lumière, et si on étudie de très proche les processus de controverse, comme les batailles entre Boyle et Hobbes, comme les batailles entre Newton et ses critiques, comme les débats autour du phlogistique et oxygène chez Priestley et chez Lavoisier, on voit avec une lumière absolument indispensable les assumptions, les choses qui sont prises comme évidentes par les acteurs. Donc, ce que j'ai essayé de faire dans le recueil des articles qu'on a ici dans le livre, c'est de faire voir que pendant les controverses, les choses qui sont apparemment étranges deviennent familières. Et les choses qui sont prises comme évidentes en soi deviennent, d'un certain point de vue, étranges ou qu'ils nous offrent des défis contre les conventions qu'on prend trop souvent, à mon avis, comme les principes du progrès scientifique. Stéphane Van Damme. Oui, c'est une idée très fondamentale, en fait, de tenir la science, ou plutôt l'état normal de la science, comme un état agonistique. C'est un état de conflit et qui permet de faire ressortir l'idée que le consensus est rare et qu'il résulte d'un travail. Un travail de preuve, les travailleurs de la preuve, on reviendra peut-être sur cette expression, mais aussi un travail de conviction. Et on reviendra aussi peut-être sur cette idée de la manière de la performance, hein, de ces rituels de la preuve devant du public. Et alors du coup, il y a là un mot qui revient assez souvent dans ce texte, dans le précédent texte. Une fois, vous en avez même discuté de savoir la traduction, si elle était adéquate en français, qui est le mot de technologie. Oui. À la page 263, vous énumérez les trois registres des technologies qui entrent dans cette perspective d'histoire des sciences. Je vous cite, les technologies sociales forment les travailleurs à faire des mesures significatives. Les technologies matérielles rendent les phénomènes spécifiques mesurables et excluent les autres de toute considération. Les technologies littéraires sont utilisées pour obtenir l'adhésion de la communauté scientifique à la pertinence de ses actions. Et donc ces trois registres où l'on a à la fois la rhétorique de l'écriture, où on a le contrôle des machines ou des instruments et où on a la discipline imposée à la fois aux expérimentateurs, aux observateurs et aux public, pour vous, sont la manière d'entrer dans une histoire des sciences qui n'est pas réduite ni à l'histoire des seuls savants, la galerie des grands ancêtres, et qui n'est pas réduite non plus à la seule histoire des grandes théories. Alors pourquoi technologie et comment s'articule cette manière de critiquer les répertoires canoniques des théories ou des grandes figures à partir de cette approche technique, pratique, technologique ? Je crois que l'utilité du mot technologie ici est liée assez prochement avec deux tendances dans l'histoire intellectuelle de l'histoire, parce que c'est un terme bien entendu qui entre dans l'historiographie. Un des liens les plus importants pour moi, c'est que la technologie indique qu'ici il s'agit d'une espèce d'art, c'est-à-dire des enjeux qui sont incorporés, qui sont simultanément de l'ordre d'épistémologie, bien entendu, parce qu'il s'agit de la connaissance et des savoirs plutôt périmés, pour utiliser le mot bachelardien, mais simultanément, et j'insiste sur le fait, avec les enjeux des outils, des instruments, des machines, qui jouent un rôle indispensable dans presque tous les récits que j'ai présentés dans le livre. Donc, le choix du mot technologie, je sais très bien que c'est peut-être un peu barbare en français, mais je voudrais faire voir qu'il s'agit des corps, des instruments et des machines simultanément. Et des discours. Et des discours, bien entendu. Bien entendu. Antonella Romano ? Oui, je pense que c'est en ce sens que l'articulation par Simon de différents objets qu'on avait l'habitude de travailler avant lui est complètement susceptible de rouvrir le jeu de la compréhension même des époques dans lesquelles on travaille, mais aussi des sources à partir desquelles on écrit l'histoire des sciences. Et il me semble que souci de souligner l'importance de cette citation, hein, qui met sur trois plans conjoints mais distincts trois types de technologies, elle rend compte de la possibilité qui est offerte à partir de ces travaux de redéployer le jeu de l'analyse et du lien entre le social, le politique, le littéraire et le scientifique. Et alors du coup, ça entraîne le fait que un lecteur habitué à d'autres formes plus classiques d'histoire des sciences sera un peu surpris de la distribution des acteurs dans le livre et aussi de la géographie des espaces. Au début, dans la préface, Simon Schaeffer, vous écrivez « C'est pourquoi la liste des personnages qui participent à ces histoires des sciences, donc l'histoire qui serait celle des sciences à l'intérieur de chacun de vos essais, peut sembler aussi longue qu'étonnante. On y trouve des artisans et des journalistes, des soldats et des courtiers en bourse, des teinturiers et des ingénieurs, des comédiens et des charlatans. Et à cela correspond une énumération quasi parallèle des différents lieux où se produit, où se fabrique la science. Bien sûr, il y a les laboratoires, les observatoires, les académies, mais il y a les foires, les théâtres, les musées au sens de tous les sens du terme, y compris celui du XVIIIe siècle, d'assemblées savantes un peu moins formelles que les académies, etc. Alors, Est-ce que ça fait vraiment partie de l'histoire des sciences, cette sorte de distribution, ce casting où vous avez des rôles pour chacun des états sociaux et où finalement la géographie, c'est la totalité de la cité? Oui, à mon avis, ce casting, ce liste assez longue qu'étonnante, c'est absolument indispensable si on veut expliciter l'émergence, disons, la fabrique du rôle des scientifiques. Parce que, à mon avis, en France et en Angleterre, ça n'existait du tout avant le 19e, avant le milieu du 19e. Comme les essais qui sont unis ici dans le livre traitent de la première modernité et du 19e aussi, c'est absolument crucial d'insister sur le fait qu'il faut et qu'on peut suivre presque partout et n'importe où les endroits, les institutions et les rôles qui sont impliqués dans la production, dans la fabrique, de la connaissance fiable. C'est assez prochement lié avec le grand problématique de l'accréditation. Alors, justement, avant de venir à des exemples qui vont donner à entendre aux auditeurs cette distribution avec des rôles multiples, peut-être restons un temps sur un autre élément de cette trame d'ensemble qui est la question de l'accréditation des découvertes, des résultats, des expérimentations, des observations. Parce que je crois que là, la chronologie que vous avez choisie dans ce livre marque la différence. Un écart par rapport au Léviathan et la pompe à air. Je rappelais que dans ce livre avec Stephen Chapin, vous insistiez sur le fait que l'accréditation, elle dépendait d'un côté du fait que témoignaient ceux qui ne sont pas suspects de ne pas dire la vérité, donc un témoignage aristocratique, et d'autre part d'une négociation sur les conditions de réplication des expériences qui permettaient de tomber d'accord. Là, vous nous emmenez dans un autre monde, puisque il y a évidemment des textes qui sont pour l'essentiel mi-18e, fin 19e siècle. La parole aristocratique semble ne plus être ce qui est déterminant pour attester de la véridiction d'une expérience. Et vous insistez beaucoup sur une autre dimension, qui est celle de la mesure, de la norme, de ce que vous appelez l'objectivité métrologique. Alors, c'est ce déplacement que vous voulez faire sentir aussi dans le livre, qui s'adosse évidemment à ce grand monument de Léviathan et la pompe à air, mais qui s'en éloigne par la réalité historique elle-même. Oui, c'est exactement ça que je voudrais faire voir dans le livre, dans le recueil. C'est-à-dire que je reste absolument convaincu, comme dans Léviathan et la pompe à air, que la parole aristocratique, le crédit des gentilshommes, des bourgeois, était assez puissant dans la fabrique de l'expérimentation comme moyen de produire les faits fiables au milieu et aux fins du 17e. Mais les transformations dans l'économie de la parole, dans l'économie du crédit, dans les deux sens du mot sont très marqués. Qui reste très frappant pour moi, c'est le double sens de l'accréditation du crédit. C'est-à-dire qu'il y a un lien fondamental, c'est beaucoup plus qu'un jeu de mots, entre la croyance et la fiabilité plutôt, et je n'exagère du tout, financier, fiscal. Le premier utilisation en anglais du mot crédit pour indiquer le calcul d'une balance banquier, ça s'apparaît chez Robinson Crusoe de Daniel Defoe au début du 18e. Et c'est un texte qui lie ensemble explicitement la notion de l'empiricisme. Crusoe, c'est le héros de l'empiricisme, bien entendu, mais c'est aussi le héros du calcul. Et une date qui est contemporaine de Newton. Et c'est absolument ça, c'est Defoe comme lecteur de Newton, c'est un sujet très très très important pour comprendre de quoi il s'agit, la notion des voyages, des récits, des contes, des informations qui arrivent aux métropoles. D'ailleurs, la notion aussi qui est capitale chez Newton et chez Defoe de la solitude comme garantie de la fiabilité. Et c'est l'ironie qui lie ensemble le crédit de toute une société et le crédit d'un personnage qui est absolument isolé, casser de tous les liens sociaux. Stéphane Van Damme. Oui, ce que je voulais dire dans ce sens, c'était que cette fabrique des sciences modernes, elle est liée à une fabrique sociale de l'autorité des sciences. Et donc, la question de l'autorité fait un peu contrepoids avec celle de crédit, d'une certaine manière. Elle est parfois moins négociée ou négociée d'une manière différente. Et surtout, elle est peut-être aussi liée, pour faire retour à la question précédente, à une géographie nouvelle des sciences. Et vous l'avez bien indiqué en mettant en évidence la question des réseaux autour de la question du crédit chez Newton. Il y a un déplacement d'une topographie classique, on va dire, de la fabrique des savoirs, de la fabrique des sciences, autour de lieux habituels, lieux d'enseignement, universitaires, par exemple. Topographie nouvelle qui dévoile un monde d'acteurs nouveaux, des amateurs de sciences, donc là, on sort vraiment d'une vision professionnalisante de l'homme de science, et jusqu'à un projet universaliste, d'une certaine manière, qui se calque derrière cette articulation entre science et commerce à partir du XVIIIe siècle. Mais du coup, Antoine Larmanon, on trouve dans le livre cette idée de l'unification capitaliste du monde. Vous vous êtes intéressé aussi à l'histoire des sciences sur les espaces coloniaux et dans les rapports entre les métropoles et les colonies. Et donc, est-ce qu'il y a identité entre une unification qu'on pourrait dire coloniale, mais qui est très encore marquée largement religieuse? Et puis d'autre part, ce thème que développe Simon Schaeffer, en particulier vient de le faire avec le crédit, où ce monde colonial existe, mais il est pris dans une dimension où, bien sûr, les jésuites continuent à exister, mais où la dimension fondamentale, c'est celle des échanges capitalistes. Oui, c'est extrêmement intéressant d'avoir justement la proposition forte que construit l'œuvre de Simon Schaeffer et puis ce livre en particulier, puisque ça nous permet à la fois de prendre la mesure, peut-être une mesure renouvelée, de ce qu'étaient les cadres et les centres à partir desquels s'est écrite le grand récit de l'histoire des sciences, contre lequel, comme il nous l'a bien dit, comme vous nous l'avez bien rappelé, s'inscrit son livre, tout en nous permettant justement de pouvoir repenser à nouveau frais les rapports entre ce monde et d'autres, qui ne sont pas du tout des rapports d'antagonisme, et c'est ce qui est aussi extrêmement intéressant dans les différentes propositions de textes qu'il nous offre. On aura sûrement l'occasion de reparler du premier des chapitres sur Newton sur la plage. On voit bien comment peuvent circuler des modalités différentes de comprendre et de construire la notion de crédit, mais en fonction tout de même, et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant aussi, de conception partagée la nécessité de construire ce crédit. Et donc finalement, capitalisme ou pas, l'entreprise coloniale, en étant massivement tout de même un des résultats, on retrouve une possibilité de modélisation extrêmement intéressante. Alors parlons-en tout de suite, parce que Clore de cette première séquence de l'émission. Parlons tout de suite de ce Newton on the Beach, de Newton à la plage, qui est un article, un classique, et où Simon Schaeffer voulait montrer deux choses. La première, que les représentations que les savants donnent d'eux-mêmes ou que l'on donne des savants portent à ce que vous disiez la solitude, le solitarium, l'individu détaché du lien social, et que d'autre part, dans la réalité des pratiques, lorsqu'on se donne la peine et le courage de les rechercher, on voit qu'il n'en est rien. Et que, alors, le test lequel vous commencez, c'est dans une conversation qui est rapportée où Newton aurait déclaré: je ne sais pas quelle image le monde peut avoir de moi, mais pour moi, il me semble que j'ai toujours été tel l'enfant jouant à la plage, m'amusant de temps à autre à trouver un galet plus lisse ou un coquillage plus joli qu'à l'ordinaire, alors que le grand océan inexploré de la vérité se trouvait étendu devant moi. Alors, que Newton ait prononcé ou non ces paroles, d'ailleurs vous en doutez, importe peu, parce que ce qui est là symbolisé, c'est cette idée du savant solitaire. Alors que, et on rejoint ce que disait Antonella, ce que vous voulez montrer dans cet essai, c'est qu'il était loin de déduire de sa propre conceptualisation mathématique, tout ce qui était nécessaire pour les démonstrations, et qu'il dépendait étroitement d'immenses réseaux d'informations. Non, c'est absolument comme ça. Si on trace de très proche les réseaux sur lesquels Newton a rassemblé chez lui, dans une petite chambre, dans une petite bibliothèque, dans une petite collection, pour ainsi dire, les données de n'importe où, où se posent dans un moyen très très farouche la question de l'évaluation, de jugement, de crédit encore une fois. Est-ce que les voyageurs jésuites sont fiables? Est-ce que les astronomes français ont joué leur rôle comme il faut? Est-ce que les Chinois possèdent les ressources pour faire les observations exactes qui portent sur les marées, les comètes et la longueur des pendules, bien entendu. Et avec toutes ces données, Newton, c'est absolument vrai, a construit toute une cosmologie nouvelle de la modernité. Mais ce qui est frappant pour moi, c'est exactement le contraste entre une image d'Épinal, quoi, d'un savant assez isolé, coupé du monde, et un savant très, très branché. C'est comme si la société était une espèce de parasite, c'est-à-dire si on n'est pas suffisamment isolé, apparemment on est en danger de perdre l'objectivité. Mais en vérité, la société est simultanément la source des ressources indispensables pour construire un monde connaissable. Mais en même temps, ces observations, là, vous mentionniez des institutions, ça peut être la Compagnie de Jésus, ça peut être les compagnies commerciales anglaises ou hollandaises, mais aussi beaucoup d'informations, vous donnez de nombreux exemples, proviennent de pilotes, de marins, de capitaines, donc des informateurs qui n'entrent pas dans une définition aristocratique et bourgeoise du dire vrai. Comment se concilie cette idée que la parole de ceux qui normalement n'étaient pas tenus pour dire le vrai, pour différentes raisons, par leur état social ou par leur intérêt économique, devient acceptable et devient quelque chose que Newton peut utiliser comme les informations nécessaires au calcul ou à la théorie? Il y a des aspects, à mon avis, fascinants et indispensables pour les historiens des sciences autour de la capacité des savants et des autres de juger et d'estimer la valeur et la fiabilité des autres acteurs, des autres secteurs de la société. C'est l'intérêt, par exemple, du très grand livre de mon ami Stephen Chapin, Une histoire sociale de la vérité, où Chapin traite, avec une précision absolument admirable à mon avis, des questions de jugement et d'évaluation des gens et des acteurs qui sont, pour la vaste majorité du temps, ou invisibles, comme les techniciens, ou quand ils sont visibles parce que ces actions développent les problèmes, les défis pour le jugement. La notion que les savants sont les négociants, c'est à mon avis très important pour les historiens. Les négociations autour de la possibilité de juger la fiabilité, de juger, d'estimer le crédit, lient ensemble la nécessité de produire les mesures et simultanément la nécessité de mesurer, pour ainsi dire, la fiabilité des autres. Mais du coup, vous êtes amené à un diagnostic qui, d'un côté, insiste sur ce lien fort qui existe, alors qu'on a souvent... On l'a souvent délié, ce lien entre les curiosités de l'histoire naturelle, des observations qui sont faites sur la nature elle-même, parfois mesurables, mais parfois descriptives, et d'autre part, ce que vous appelez la philosophie naturelle mathématique, c'est-à-dire lorsque on doit avoir, par le calcul, des formulations géométriques de la réalité du monde. Et donc, pour vous, il y a une continuité, mais en même temps, vous montrez que John Newton souvent maintient la distinction des tâches, parce que avec les observateurs astronomiques, quand ceux-ci se mettent à faire les calculs eux-mêmes, il est absolument furieux en disant « moi je veux vos observations, je veux pas vos calculs ». Oui, alors ça. Donc il y a une sorte de à la fois de continuité, mais dans laquelle une séparation des tâches est affirmée. Non, c'est absolument vrai. Par exemple, il y a des différents très célèbre entre Newton et l'astronome royal John Flamsteed, qui travaillait à Greenwich entre 1680 et 1710. Et selon Newton, le rôle d'un tel observateur, c'était précisément de produire les données fiables et rien d'autre. C'est un aspect fascinant, à mon avis, de l'histoire des sciences où chez Newton, par exemple, et chez les autres grands savants de la première modernité, on trouve le fait qu'on doit lier ensemble le n'importe où de la mesure jusqu'au partout de la mesure. Et c'est exactement ce qui définit la division de travail, selon Newton, entre les mathématiciens et les observateurs. Oui, dans cette perspective, le premier chapitre dit quelque chose de très important, c'est le parallèle entre histoire naturelle et histoire de l'astronomie. Oui. Alors, au lieu de toujours opposer sciences exactes, mathématiques, histoire naturelle, on a là l'idée que l'astronomie fonctionne aussi sur un paradigme de l'accumulation et que l'astronomie, plus encore, est une science de terrain. Ce qui amène à relire Newton en n'oubliant pas ce troisième volume ou troisième partie qui est celle où sont mobilisées particulièrement toutes ces données. Pour clore cette première séquence, je voudrais indiquer aux auditeurs qu'ils peuvent lire ce livre vanté par Simon Schaeffer, qui est le livre de Stephen Shapin, qui vient d'être traduit en français sous le titre « Une histoire sociale de la vérité, science et mondanité dans l'Angleterre du XVIIe siècle ». Et c'est un livre qui est publié aux éditions La Découverte, évidemment avec la difficulté de la traduction, puisque « mondanité » traduit « civility », qui n'est pas peut-être exactement ce qu'on entendrait par ce système réciproque de politesse et de respect, et d'autre part, une histoire sociale de la vérité, qui peut-être était l'histoire sociale de la vérité chez Stephen Shapin. Mais on peut discuter à l'infini des traductions. Lisez en tout cas le livre de Shapin en même temps, ou une fois que vous aurez terminé celui de Schaeffer. We'll be right back. que nous écoutions à l'instant est la composition d'Edgar Varèse, sans doute un des rares, sinon le seul des compositeurs qui a fait des études d'ingénieur à l'école polytechnique de Turin, et qui, après les avoir abandonnés, a voulu traduire musicalement, dans une forme de spatialisation de la musique, un certain nombre de ses interprétations des phénomènes scientifiques. Ce que l'on vient d'entendre est Hyperprisme, une des premières compositions de ce type, créée en 1923. Dirigé par Stokowski à New York, et qui voulait utiliser les attirances, les attractions ou les répulsions entre les cristaux comme un modèle pour ce que l'on a entendu avec ces alternances à la fois de hauteur et de ton. Et la pièce était dirigée par Pierre Boulez, qui peut-être n'a pas été ingénieur, mais a fait quand même maths sup et maths spé dans le lycée du Parc à Lyon. Alors nous reprenons notre dialogue qui est consacré cet après-midi, ou notre trilogue, qui est consacré au livre de Simon Schaeffer, La fabrique des sciences modernes, un livre publié aux éditions du Seuil, et où l'un des thèmes, Simon Schaeffer, est à nouveau provoquant par rapport aux habitudes de pensée, pour vous, entre la science expérimentale, rigoureuse, qui se quantifie, et d'autre part, le monde des métiers, le monde des artisans, il y a des passages permanents, et non pas du tout une opposition radicale. L'exemple que vous prenez, ce sont les rapports qui peuvent exister entre des expérimentations sur la lumière et les métiers du teinturier, ce qui a priori paraît assez étrange. Oui, au début du 18e, presque pour la première fois, l'électricité et les sciences de la lumière artificielle sont devenues des aspects incontournables de la philosophie naturelle, des expérimentations très très raffinées. Et ce qui est assez frappant, c'est le fait que une grande partie des premiers expérimentateurs qui s'occupaient avec l'électricité artificielle étaient aussi simultanément occupés par l'industrie des tins. Ou comme l'expérimentateur assez célèbre du début du 18e en Angleterre, Stephen Gray, lui, il était un teinturier du soie. Ou Charles Dufay, qui était le dirigeant des Gobelins. Contraste assez marqué entre un teinturier et un administrateur du royaume de la France. Mais, à mon avis, le lien entre les deux enjeux, c'est compréhensible. Parce que pour les expérimentateurs avec l'électricité, il fallait posséder ce que j'appelle un savoir gestuel, c'est-à-dire une compétence incorporée avec les tissus pour les gérer, parce que c'était avec ces objets, ces matériaux, que les effets de l'électricité se sont montrés. J'ai utilisé dans ce chapitre cet exemple pour réfléchir un peu sur le fait que les historiens traditionnellement sont beaucoup plus intéressés par la cosmologie que par la conduite, pour faire voir la présence de la main d'œuvre dans l'histoire des sciences, mais aussi la présence des mains. Ici, j'ai suivi d'assez proche les enjeux de mon cher collègue Heinz-Otto Ziboum, qui a fait pas mal des expériences là-dessus, en faisant voir que chez les grands savants, c'est presque toujours comme ça. Ou si on analyse de très proche les expérimentations en détail, comme chez Priestley ou Lavoisier, comme Gray ou Dufay, on peut voir les traces et l'utilisation des gestes corporels et des savoirs gestuels qui jouent un rôle très important dans la production des savoirs périmés. Mais est-ce que du coup ça ne pose pas peut-être de problème, cette idée de savoir gestuel, un problème qui est celui, éventuellement, comme on l'avait évoqué avec Newton en finissant la première séquence de la hiérarchie entre le philosophe naturel et puis le démonstrateur ou l'opérateur? Et d'autres second problème, les mains ne sont pas identiques les unes avec les autres, c'est ce qui pouvait privilégier certains, mais même parfois la même main peut avoir des résultats variables selon l'habileté du moment, d'où question de la réplication. Oui. Comment est-ce qu'on peut surmonter à la fois, surmonter cette idée que la main, le savoir gestuel, le tour de main est fondamental et en même temps que l'on veut neutraliser les différences? Non, c'est exactement ça. Les gestes sont indispensables, mais on se méfie presque toujours aux gestes. C'est-à-dire qu'on essaie presque toujours d'incorporer les compétences dans les instruments ou dans les humains qui soient suffisamment disciplinés. Donc il y a un lien profond entre le machinisme des sciences, la discipline des travailleurs et des métiers, et la production standardisée des résultats par les corps qui ne sont pas du tout standardisés. Antonella Romano. Oui, il me semble qu'on atteint ici un des nombreux éléments extrêmement intéressants de ce travail, puisque sans doute qu'on peut, par ce détour par les corps, qui n'est pas un détour précisément, parce qu'on voit combien il est central, mais ce qui pourrait peut-être caractériser cet ancien régime de la fabrique des savoirs, où précisément on est dans des arts, dans des savoir-faire et des arts de faire, plus que dans le geste savant qui existerait d'emblée et par lui-même, et où on voit au contraire en permanence, à travers les exemples que prend Simon Schaeffer, à travers toute une série d'autres travaux qui sont aujourd'hui extrêmement importants, en particulier dans l'histoire des sciences coloniales, l'importance de ces petits gestes qui ne relèvent absolument pas d'une sphère qui serait celle de la science, mais sans lesquelles, évidemment, aucune science ne peut se produire. Alors, Stéphane Van Damme faisait allusion précédemment à cette force de la réarticulation dans le livre de Simon Schaeffer de l'histoire naturelle et de la philosophie naturelle. Et là, on y est absolument en plein. Stéphane Van Damme. Oui, j'ai envie d'ajouter que sur cette discipline du corps, il y a une généalogie quasi foucauldienne, si j'ose dire, entre le début du XVIIIe siècle, cette histoire des techniques manuelles, encore très artisanales, jusqu'à la constitution au sein même du laboratoire ou de l'observatoire d'une véritable discipline de travail, qui fait que l'observatoire, dans la seconde moitié du XIXe siècle, ressemble à l'usine, où on essaye de standardiser le geste, en fait, hein, et d'éliminer les écarts entre eux. Alors du coup, si on suit ce que viennent de dire Antonella et Stéphane, est-ce que vous ne maniez pas une sorte de paradoxe? Parce que d'un côté, pour établir cette continuité entre les métiers et les sciences, il faut mettre en évidence le tour de main. Et en même temps, dans de nombreux essais, non seulement celui qu'on évoque maintenant, électricité et teinturerie, mais aussi celui sur les astronomes, ce qui est l'obsession, c'est de neutraliser ce qu'il peut y avoir de singulier. Alors, soit parce qu'on incorpore la main à l'appareil, soit parce qu'on va discipliner les corps. Et Simon Schaeffer aime beaucoup jouer avec les mots, donc la référence foucauldienne est double. C'est à la fois la discipline comme contrainte, mais c'est aussi la discipline comme domaine de savoir, même si ce n'était pas au sens premier chez Foucault, mais il l'a introduite, lui. Donc, n'est-ce pas un paradoxe de vouloir à la fois reconnaître la singularité de la main pour ensuite en faire l'argument fondamental contre lequel tout ce que vous décrivez est construit? Oui, c'est un vrai paradoxe, mais c'est le principe fondateur, c'est un des principes fondateurs pour les sciences modernes. C'est-à-dire que, comme Antonella a très bien dit, les tours de main sont absolument indispensables, mais ils sont toujours un défi. Donc on a presque toujours un va-et-vient entre la nécessité de discipliner, d'incorporer, de fabriquer les machines qui incorporent les résultats et les gestes, mais ce qui s'est produit, et ça se voit très clairement dans les observatoires astronomiques du 19e siècle, on a presque simultanément la notion que les observatoires sont les ateliers, c'est-à-dire les endroits où se rassemblent énormément des travailleurs et des disciplines et des machines, et simultanément, on les représente comme les tours de guet, c'est-à-dire les endroits isolés, spirituels, où personne ne travaille, qu'ils sont des yeux institutionnalisés, où personne ne fait, pour ainsi dire, rien du tout. Vous avez une jolie formule, page 277. Si les astronomes se présentaient comme des observateurs isolés dans leur tour de guet, ils vivaient en fait comme des administrateurs d'ateliers mathématiques. Antonella ? Oui, simplement toujours une remarque dans la lignée de cette discussion extrêmement intéressante. Ce que l'on voit aussi à travers cette discussion, c'est combien le travail de Simon Schaeffer remet profondément en question l'un des vieux clivages historiographiques entre histoire des sciences et histoire des techniques. On voit très bien dans de nombreux articles ici combien ce découpage, et qui est une projection a posteriori, évidemment, de notre manière d'aborder les champs disciplinaires, n'a absolument aucun sens si l'on veut comprendre ce qu'est la fabrique de la science. Et de ce point de vue-là, on pourrait aussi citer le dernier livre de Liliane Hiller-Pérez, « Le geste de l'artisan », qui travaille sur la boutique comme sur un laboratoire, la boutique britannique au XVIIIe siècle. Alors les lecteurs comprendront en lisant le livre pourquoi que la pratique et la maîtrise de la teinturerie pouvaient aider dans les expériences sur l'électricité, mais il serait trop long de le développer maintenant, parce que je voudrais que nous terminions l'émission avec un troisième grand thème que vous traitez après les rapports métiers-sciences et la tension qu'on vient encore d'évoquer entre représentation de la science et pratique de la recherche, c'est les trois essais que vous consacrez au problème du spectacle. Le spectacle de la science est pour vous, non pas comme le divertissement mondain qu'il a pu être au XVIIIe siècle, mais comme un lieu où se fabrique la science. Ce qui nous renvoie à cette géographie où des lieux inattendus participent en fait de l'espace scientifique. Et là encore, l'électricité est un premier terrain, un deuxième terrain, le diométrie, si j'ai bien compris, il s'agit de mesurer la pureté ou l'impureté, la vertu ou le vice qui est dans l'air qu'il respirait et que nous respirons. Alors pourquoi ces deux exemples permettent-ils de donner une réflexion plus aiguë, plus complexe sur le rôle du spectacle, à un moment où normalement on dit qu'il a peut-être disparu comme critère de preuve. Mm-hmm. Et pour vous, peut-être que, oui, les instruments ont pris en charge les critères de preuve, mais pour autant, le spectacle de la science est aussi un lieu où la science se construit. Oui, je voudrais échapper le plus que possible la notion assez répandue qui imagine que le grand public, l'assistance, a joué un rôle plutôt passif dans l'historiographie et dans l'histoire des sciences. Ici, je suis un disciple des très grands historiens français de la sociabilité et de la culture plutôt histrionique de la première modernité du XVIIe et du XVIIIe siècle. Comme Mona Ouzouf, par exemple, ses études sur les fêtes révolutionnaires comme moment de la production de l'esprit révolutionnaire. Pas du tout, tout simplement la consommation. C'est, à mon avis, presque la même chose chez les grands spectacles scientifiques du 18e et du 19e. Le deuxième aspect, surtout pour l'udéométrie, c'est que c'était un système de techniques qui a pris sa valeur de l'existence de la société civile, de la sociabilité. Selon les chimistes et les philosophes des Lumières, c'était possible, bien entendu, de mesurer le vertu, et le vertu dans deux sens. la pureté de l'atmosphère, bien entendu, comme a très bien montré Alain Corbin, par exemple, dans Le Jonquille et le Miasme, mais simultanément la vertu de la société. Et ils sont liés ensemble. Donc, le spectacle des appareils pneumatiques par les chimistes était simultanément une intervention politique et scientifique dans l'espace spectaculaire du fin de l'Ancien Régime. C'est absolument dramatique comme exemple. Alors du coup, je me tourne vers l'historien de l'autre philosophie, Stéphane Van Damme, parce qu'il y a une autre dimension dans le livre, qu'on aura peu de temps à développer, mais qui existe quand même, c'est-à-dire la question du rapport à la théologie, puisque ces spectacles de la nature, soit la nature-nature, soit les reconstructions de la nature, posent la question, évidemment, à la fois de la compatibilité entre une explication physique, la théorie des puissances actives, et de l'autre côté, une interprétation théologique, si ces puissances actives sont en fait l'expression de la volonté de Dieu. Et donc, comment le livre de Simon Schaeffer se débat avec cette tension entre le naturel, le physique et le théologique? Alors, je ne sais pas si je vais être capable de répondre à cette vaste question, mais ce qui me semble frappant dans le deuxième ou troisième chapitre sur le spectacle de la science, c'est justement de mener de front, d'une certaine manière, l'analyse et la description de ce qui relèverait de questions, on va dire, théologiques, et de ce qui relève de descriptions de philosophie naturelle. Et c'est de voir à quel point ces registres sont constamment mêlés. Et donc, alors, ça peut d'un côté permettre de montrer la complexité de ces objets scientifiques d'Ancien Régime qui sont constamment pris par des enjeux qui sont à la fois religieux, moraux, aussi très important. Et donc, que le grand partage auquel on est habitué aujourd'hui autour de la science moderne est évidemment complètement non pertinent pour décrire la science du XVIIIe siècle. Mais c'est un peu large que vous suivez, puisque le premier essai sur Newton montre le dessin fondamentalement d'une démonstration de la puissance de Dieu, et que même si la révolution apparaît, c'est un transfert de sacralité, suivons Mona Ozouf de nouveau, un transfert de sacralité qui est opéré. Donc, sacralité chrétienne ou cette nouvelle forme de sacralité sont pour vous indissociables, oui. Et du spectacle de la science et de la pratique scientifique. Oui, à mon avis, on a subi, pour ainsi dire, une dénonciation de la spectacularisation qui a perdu son sens dans l'interprétation du passé des sciences. On peut, sans exagération, si je ne me trompe pas, parler de la sécularisation de l'Eucharistie ici. C'est-à-dire, on a l'incorporation des puissances et des pouvoirs qui sont universels selon les acteurs. Et les cérémonies de la science sont très largement liées avec. Et on peut le voir, c'est ce que j'ai essayé de faire voir dans le dernier chapitre du livre, c'est très prochement lié avec ce qu'on appelle la crise de la confiance dans les sciences contemporaines. C'est-à-dire qu'on a l'image d'une sécularisation d'une certaine puissance de spectacle qui apparemment n'a aucune ou qui manque de la force suffisante pour mobiliser l'assistance et les citoyens maintenant. C'est une très grande crise pour les scientifiques, pour la politique, mais c'est très prochement lié avec toutes ces questions de la sécularisation, de la spectacularisation, et de la dénonciation du spectacle par les scientifiques. On doit faire les démonstrations, mais on a une tradition qui se méfie des démonstrations dans le sens le plus fort du terme. C'est ça qui m'occupe le plus. Mais d'un mot pour revenir sur notre commencement, puisque l'essai dans lequel la question de du spectacle est traitée, qui est aussi cette question de l'iodiométrie, la qualité de l'air, qui devrait entraîner une réforme, y compris très concrète, expulser les cimetières des églises, lutter contre les miasmes, et favoriser les jonquilles. La question qui est posée, c'est que dans cet exemple, vous montrez qu'on a affaire à un paradigme scientifique très puissant, incorporé dans les formes politiques, le despotisme éclairé de l'État florentin, et qui s'effondre. C'est-à-dire que vous avez commencé en récusant l'idée d'un progrès continu, d'un consensus toujours établi. Et là, on est devant un cas très intéressant, puisque c'est un paradigme qui a une puissance énorme. C'est un marché d'instruments, c'est une forme politique, c'est une théorie scientifique. Et vous terminez le chapitre en disant on est passé de la technologie étatique de réforme, qui était liée à cela, à la risée publique, quand il y a un discrédit. Donc c'est un des cas où l'histoire du discrédit scientifique est aussi importante que l'histoire de l'accréditation, de la validation. Oui, c'est absolument ça. À mon avis, l'idéométrie était morte juste au moment où on a presque complètement transformé la notion de l'État libéral, de l'État réformateur au début du 19e. Il y a les liens, on a des liens très très forts entre le sort de l'idiométrie, par exemple, et la fondation de l'esprit utilitariste chez Jeremy Bentham. Au début de sa carrière, Bentham était absolument obsédé par l'idiométrie et ses projets réformateurs au début du 19e, avec ses alliés en France, comme Dumont, ils étaient inspirés par la défaite de l'idiométrie pour refonder des nouveaux projets au début du 19e. C'est un exemple fascinant, à mon avis, des liens très, très entremêlés entre les stratégies plutôt techniques et les stratégies plutôt politiques. C'est très difficile, sinon impossible, de séparer les deux enjeux. Mais pour terminer, en revenant là à votre inquiétude ou la question centrale que vous vouliez poser, je voudrais terminer en citant juste quasiment les dernières lignes du livre où Simon Schaeffer revient sur cette récusation de l'idée, enfin de la nostalgie pour une science que nous aurions perdue. Mais il ne le fait pas de manière ni utopique ni naïve, mais en considérant la complexité des intrications que cette émission a essayé de montrer. Je le cite. Il faut renoncer à certaines formes de nostalgie si l'on veut mieux comprendre l'histoire des sciences. Une histoire dominée par un monde protéiforme d'actes ritualisés, dans lequel des expérimentations et des diagnostics furent effectués en accord avec le droit et l'État. Ces actes définissaient simultanément le rôle de la technique et de la nature, de la société et de l'univers. En aucun cas, il n'exista un monde hermétiquement clos, celui de la communauté scientifique, dont les décrets étaient acceptés avec déférence par le profane. De la même façon, il n'y eut pas non plus de monde ouvert dans lequel tout un chacun était invité à débattre. Les lundis de l'histoire vous ont été présentés cet après-midi par Roger Chartier. Nous avions discuté en compagnie de son auteur le livre de Simon Schaeffer, La fabrique des sciences modernes, 17e-19e siècle. C'est un livre publié par les éditions du Seuil et nous l'avons présenté en compagnie d'Antonella Romano et de Stéphane Van Damme. La réalisation de l'émission a été assurée par Laetitia Coya et la prise du son par Pierre Mine. La semaine prochaine, les lundis de l'histoire vous seront présentés par Philippe Levillain. Et dans quelques instants, comme à notre habitude, je vous invite à la mission suivante. Ce n'est pas la peine de crier.